Petite goutte d'eau glisse lentement perlée de sel le long de ta joue. Elle laisse une trace et s'évapore. Ta peau se glace de port en port. Petit bout de flotte souligne tes yeux perlés de sel le long de ta joue. Tu me gardes une place à raison ou à tort. Ma peau se glace de port en port.